Ça marche? Oui. On est à l'antenne. Ah, voilà. Bonsoir, chers otaku. Je suis Vorace Reborn et j'ai été choisi par hasard par mes amis de la commission des jeux parmi plusieurs millions de participants afin de commenter ce match incontournable des États-Unis contre le Groenland pour la 424e Coupe du Monde d'Angelique Killer. Cela dit, j'y connais rien du tout, mais ne vous inquiétez pas, mon jeune ami ici présent m'a l'air d'être un expert. Ça promet. Moi, c'est Ramma Devils, ancien élève de la grande école de Jobar. Ah vraiment ? Il se trouve que je suis moi-même professeur d'animé à l'Institut Berserk, voyez-vous. En fait, pour être tout à fait exact, avec l'explosion de l'école, j'ai pas pu avoir mon diplôme. Mais ça ne saurait tarder, hein, les sessions de rattrapage sont en septembre. J'avais l'intention de postuler au ministère de la Japatitude, dans le département des sports otaku, mais du coup, va falloir que je reconsidère la chose. Je vais certainement rater les dates de concours d'entrée. J'étais senpai et capitaine de l'équipe d'Akash et les Silverhawks aussi, mais ça change pas grand-chose. En effet, il y a peu de débouchés. D'ailleurs, beaucoup de jeunes otaku diplômés se tournent vers des emplois du monde des casse-culs. On a beau dire, ils représentent 99% de la population mondiale, ces mangeurs de hamburgers. S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît, voilà. Vous pourriez me commander une assiette de sushi avec du gingembre et un supplément de fromage à côté. Et puis un petit peu de sauce aussi. Voilà, merci mon ami. Ah mais regardez, les équipes arrivent sur le terrain. Alors, voyons voir. Ah, commencez pas, coupe le bordel dans mes fiches, hein. J'avais tout bien rangé comme il fallait. Restez de votre côté de la table et les boucles seront bien gardées. Alors, pour la Dream Team des USA, le capitaine Chip dribblera aux côtés de Morgan et Choco, les Handbreakers, pendant que Angel et O'Neill les protégeront au poste de shooter. Bobobo gardera les buts et le speed jumper est l'invincible McMahon. Et nos confrères du Nord avec Ao, Tao, Rio, Lao, Seto, Faro, et bien évidemment, au poste de speed jumper, le bien nommé Martinez. Pour info, ils font tous partie de la famille Nielsen, et même Martinez, qui vient d'être adopté à l'âge de 42 ans. Il remplace Gao, tragiquement mangé par des loups, la saison dernière. Il n'y a pas moins de 3 supporters pour le Groenland dans les tribunes. Oh, soit 2 de plus que l'année dernière, il y a du progrès. Et ils ont d'ailleurs choisi un environnement à leur image. Des montagnes de glace virtuelle se forment sous nos yeux. Et c'est le coup d'envoi ! Un mec passe une balle blanche à un autre type qui lui-même l'envoie à... Vous êtes sérieux ? Vous pigez vraiment que dalle ? Je connais personnellement Jordan McMahon, figurez-vous. Son père m'a toujours gardé des places pour les avant-premières des films de Kurosawa. Et c'est grâce à moi que Wingman Lokum a pu approcher le coach bulgare Phil Buster. Ouais, je m'en fous. Votre CD, en plus ça se dit Full Buster, faites pas genre que vous le connaissez. Bon, je ferai sans vous, mais tâchez de vous taire. Ils ont le warp, passe en retrait de Choco pendant que Seto envoie un cocard vers lui. Ah, Choco se loupe et Ao s'en empare. Il profite de la confusion américaine qui n'arrive pas bien à se maintenir sur la glace pour tirer. Attention, Bobobo essaye de le bloquer, mais il glisse et c'est le but. 0-1, et le score est ouvert. Vous devez passer le test des asticots de fin d'études, j'imagine. Ouais, en effet. Engagement jusqu'à Morgan. Saori Morgan a l'air de s'être habituée au terrain. Ah, elle esquive le speed jumper Martinez qui voulait la ralentir. Elle part toute seule. Oui, bravo, un partout. Belle offensive de la sublime Handbreaker. Dites-moi, vous avez des contacts au ministère ? Bah, mon oncle est au département de l'injustice, oui, mais ça change rien pour les concours. Vous voyez, c'est parce que j'aurais vraiment envie de travailler à Jobar. On a beau dire, ça reste l'élite. Cerberus Snap n'est plus là. J'imagine qu'il y a un poste à pourvoir. Ouais, certainement. Mais c'est le professeur Madame Ingall qui est directrice maintenant. C'est elle qui décide. Oh, il doit bien y avoir un moyen de gentiment lui mettre la pression. Rio pour Ao. Une deux avec le capitaine Tao. Ah, ils ont une vraie aisance sur le terrain pour passer à travers la défense. Hein. Mais les Amerlocs sont entraînés. Ils savaient qu'il y avait un risque que le coach Kuma-san fasse jouer son équipe de cette manière. Oh, attention, le shooter Angel fait bloc et dégomme Tao. Ah, voilà le repas. Mais mettez pas ça là. Un vrai délice. Donc, la première question. Qui est l'auteur de l'adaptation manga de l'anime Kill la Kill ? Hein ? Mais vous faites ça maintenant ? Eh bien, j'ai l'accréditation pour délivrer un diplôme temporaire de l'agrégation des sensei taciturnes, irrésistible et carrément otaku, en dehors des examens normaux. Un des privilèges d'avoir bien connu Dumbalawa, même s'il ne m'a jamais vraiment laissé enseigner à Jobar. Ouais, mais je pensais pas qu'on le ferait tout de suite. J'ai pas révisé. Ah, j'imaginais que vous seriez capable de... Enfin bon, je vais pas vous forcer. Je pensais que vous aviez un peu plus de... Enfin, vous voyez. Ok, je vais le faire. Bon, c'est Ryo Akizuki, la réponse. À la bonne heure. Citez-moi 3 mangas du studio Clamp ayant maximum 3 volumes reliés. Le full drug du Kalion Clamp School Detective. Shaquille O'Neal tire un cocard sur Tao, très bien frappé. Ça, il tape directement dans la main avec laquelle il avait le boarf, mais Ryo récupère la balle. Lao et Seto, les deux shooters du Groenland, se mettent l'un à côté de l'autre et foncent dans le tas. Ils éjectent Shield sans aucun problème et Ryo s'engouffre derrière eux. Ils approchent du but adverse. Et attention, Rio se déporte sur la droite. Il vise et envoie le boeuf en diagonale. But 1-2. Sur Rio, alors, il est incroyable, tellement précis. McMahon a commencé à engager le combat contre l'autre speed jumper, on dirait. Est-ce que vous saviez qu'il possède une armure de combat, un Plexus 2001 ? Comment on fait un zoom avec cette console ? C'est ce bouton-là ? Ah voilà, regardez-moi ça. C'est un furieux combat, il va être difficile de le mettre au tapis avec cette protection. Mais l'inconvénient des armures est qu'elles rendent les anges plus lourds, si je ne m'abuse. Question suivante, complétez ce dicton populaire. Planter les baguettes à la verticale dans son bol de riz, c'est rigolo, mais... Ce n'est pas très respectueux des grands-parents. Bah oui, c'est uniquement réservé aux offrandes pour les morts, ça renvoie au bâton dansant. C'est du niveau de deuxième année, ça, c'est fastoche. Bien, bien, c'est bien tout ça. Dans Ranma 1,5, à cause de quoi le héros se transforme en fille ? Ah non, vous vous foutez pas de mon prénom, hein. J'ai déjà assez galéré à l'école pour qu'on me respecte, alors vous me gavez pas. Ranma, c'est un prénom mix, bordel de nem. Je change alors, parlons musique. Faites-moi un résumé de ce que vous savez sur la J-pop. Ouais, pendant 7 ans, avec le vieux professeur Vodkali, j'ai dû le voir réveiller moins d'une trentaine de fois pendant l'entièreté du cours. Je veux bien vous croire. Je me demande encore ce que ce fainéant alcoolique fait à Jobar. Alors, voyons. Après la guerre, de nouveaux genres de musique sont apparus sur le sol japonais grâce aux Américains, qui viennent soit dit en passant de faire une superbe action grâce à Angel et Choco, ils égalisent. Puis oui, la City Pop est apparue dans les années 80, et la J-Pop s'est alors emparée de l'audiovisuel pour se faire connaître et apprécier. Elle a été diffusée à travers le monde avec l'aide des otaku et les non-amateurs de culture japonaise ont tenté à plusieurs reprises de la boycotter. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous, ils n'y sont jamais parvenus parce qu'ils ne sont pas au courant que leur rejeton en écoute dès qu'ils lancent leur dessin animé ou leur jeu vidéo préféré. Exact, et ces mêmes enfants tombent peu à peu dans l'amour du Japon. Un peu plus de précision sur la composition d'une chanson ? Pendant que sur le terrain, il se passe des choses complètement folles. Que j'aimerais d'ailleurs pouvoir commenter, mais bon. Alors, voyons. Les idols peuvent être en groupe, parfois même super nombreux. Et les nanas sont toujours jeunes et ultra sexy. Et quand je dis jeunes, c'est souvent mineur. Et donc, le ultra sexy est pas vraiment légal. Les chansons, monsieur Devils. J'ai demandé de me parler des chansons. Encore un but pour l'Allemagne. Mais c'est même pas eux qui jouent. 5-2 pour les États-Unis. On loupe le meilleur passage. Alors je note, garçon de mauvaise volonté, sûrement dû à la discipline laxiste de Gastric, le directeur de la maison des Silver Oaks, couplé de l'amiante dans les murs de Jobar. Non, attendez. Bon, alors ils se sentent toujours obligés de foutre des mots étrangers dans leurs chansons pour que ça fasse vachement plus cool. La plupart du temps, c'est des mots en anglais, histoire que n'importe qui puisse chanter au moins deux mots du refrain. Ah oui, et ils changent toujours le rythme avant le dernier couplet, ça devient lent et chiant, ou alors ils mettent de l'instrumental. C'est tout ? Je vois. Ce n'est pas brillant tout ça. Alors, le Groenland demande un temps mort après le 6e but adverse. Ah, parfait alors ! Faites-moi donc ce QCM pendant les infos de ce cher Force Verte. Vous êtes sérieux là ? Bon, d'accord. Bonsoir, chers otaku. De nombreuses perturbations ont eu lieu après le match d'ouverture et il y en a tout autant ce soir. La police a fait boucler le secteur, car des activistes pro-comics tentent de faire arrêter la rencontre. Ils brandissent des pancartes haineuses envers la culture japonaise, comme par exemple « L'anime m'a tué » avec une belle faute d'orthographe, « Oshiot Banal Fantasy » en parlant de la fabuleuse franchise qu'ils estiment souillée, ou encore « Rendez-nous nos forêts ». Il est vrai que je suis assez sensible sur ce dernier point. Faire des mangas, c'est abattre des arbres par millions. En plus, si c'est pour vendre une histoire pourrie, moi je dis qu'ils devraient s'abstenir. On pense pas assez à ça. Tous ces otaku qui tentent de reproduire des machines volantes venant de leur manga favori. Beaucoup d'entre eux ne pensent pas aux gaz à effet de serre qu'ils déversent et ne souhaitent que satisfaire leur propre personne. C'est de l'égoïsme pur et simple. Écologie. Ma solution à moi, vous voulez la connaître ? C'est simple. Je chope les scans sur le net. D'ailleurs, je connais un bon site, si vous voulez, www.manga-upload. Eh oh, c'est quoi cette lumière rouge ? Vous avez pas le censuré ? Oh, eh ! Mais j'ai mis la cape ! Non, écoutez, ne me racontez pas de salade, vous venez juste de changer votre réponse après le temps imparti. Et le plateau de sashimi, ça vient ou pas ? 7-6. Les Américains jouent la sécurité, ils évoluent en cercle à 6 sur le côté gauche, lentement mais sûrement. Angel et O'Neill repoussent les attaques des cocards, ils viennent de passer le camp adverse. Et bien on dirait que Lao Nielsen veut agir, il plaque son fils Seto au sol et il lui shoot dans les pieds. Seto est propulsé vers la formation américaine, il vise au sol, écarte les bras, strike ! Il les a tous dégagés d'un coup. Délicieux, je t'en roule. Enfin, je tourne normal, péché totalement légalement, hein. Garçon, vous pouvez me rajouter du wasabi, s'il vous plaît? Le voir fait tomber, mais le capitaine Chi réussit à s'en emparer avant Ryo. Il passe à Choco qui tire. Pharaon utilise une technique spéciale. Elle utilise ses cartes à jouer pour former un mur défensif. La balle est repoussée. Reprise par Tao qui dégage dans le camp des États-Unis pour atterrir dans les mains du keeper Bobobo. Pas très utile. Petit test d'endurance avec le wasabi. Alors là, vous pouvez y aller. Je suis immunisé au goût. Le père m'en a fait manger des tonnes avant même d'entrer en première année. J'ai craché du feu pendant toute mon enfance. J'ai même cramé la gueule de ma voisine. Mais ce n'est pas pour ingurgiter. Non, non, je vais vous mettre une bonne touche au niveau de la moustache. Attendez, c'est quoi ce délire? En plus, je me suis rasé juste avant de venir. Oh, dommage pour vous. Voilà, là, comme ça, c'est bien. Mais pas autant, pas autant. Allez-y, essayez de commenter le match maintenant et ayez l'air naturel. Ça compte beaucoup pour la note finale. Ah, ça chauffe, ça chauffe. Égalisation grâce à ça. Les deux équipes montent sur leur speed jumper pour l'emporter. Les États-Unis se retrouvent tous dans leur partie de terrain alors que Martinez semble indiquer une stratégie à ses coéquipiers. Ah, pas mal. Vous pouvez vous essuyer. Une question, mais en fait, ils peuvent se parler sur le terrain? Oui, alors, oui, techniquement c'est possible, mais à haut niveau c'est rare car tout va très vite. Allez, la dernière question et je comptabilise vos points. Dans le manga Naruto. Allez-y, je le connais par cœur, même le nouveau film sorti il y a 2 semaines. Quel est le nom de l'assistant de l'auteur Kishimoto qui s'occupe de la cafetière? Hein? On révise pas ça, hein, n'est-ce pas? En fait, c'était dans le cours de manga de cette année... Oui, je crois bien que c'est Mikio Ikemoto, j'ai bon? Eh bien, vous le serez à la fin du match. J'ai cru comprendre qu'on n'était pas loin. Oui, peu de chance qu'ils arrivent au bout des 3 heures réglementaires de phase finale de compétition internationale. Les États-Unis ont l'avantage, mais le Groenland utilise une technique secrète. Ils ont récupéré toutes les balles, le boire et les deux cocards. Pharo est sorti de ses buts pour aider ses partenaires. Tous les 6 tournois autour de Martinez comme des patineurs artistiques. On reconnaît bien là le lien qui unit cette incroyable famille. Ils protègent leur speed jumper tout en gardant le contrôle des ballons. Je ne vois vraiment pas où ils veulent en venir. Ils n'arriveront pas à mettre à terre McMahon avec cette tactique. Leurs adversaires semblent décontentés. Briser cette formation ne sera pas chose aisée et ils continuent d'avancer. Le coach américain Soccer Cyborg leur dit de passer par-dessus, Morgan et le célèbre Angel s'exécutent, ils sautent, mais se font éjecter. Il ne sera pas facile de se frayer un chemin. Le capitaine groenlandais Tao en profite pour tirer un boulet de canon vers les buts de Bobobo, qui est en train d'effectuer des tractions sur la barre transversale. Goal! 7 à 8 d'après le compteur, ça se joue dans un mouchoir de poche. Ça ne les aidera pas, ils sont juste au point pour déstabiliser les Américains. Cette OLAO tire leur cocard en même temps vers Jordan McMahon. Il évite le premier, mais encaisse le second. Son plexus de Milan est brisé. Le Groenland a stoppé sa rotation et va faire le forcing pour que Martinez achève McMahon. Il s'approche, mais McMahon tape avec sa batte de baseball sur le sol, envoyant des morceaux de glace dans sa direction. Il anticipe Martinez qui s'est décalé sur la droite pour éviter et le frappe. Martinez est au sol. Mais c'est la baston générale. Le titre avait lancé, mais McMahon a du mal à se frayer un chemin. Il réussit à se remparer avec l'aide de Bobobo qui tente de se racheter. Il avance vers le panier. Là, il utilise son bras pour le traver, mais McMahon, merde! Fin du match, victoire des USA. Bien joué, Jordan. Ils sont bien partis pour remporter la Coupe du Monde. Oui, ils vont affronter le Japon en demi-finale, ça risque d'être coton. Le Groenland repart tout de même avec un bon paquet de mangas, faut dire qu'ils sont un peu loin de tout magasin otaku. Bon, c'est quoi mes résultats alors? Eh bien, faisons cela dans les règles si vous le voulez bien. Au vu des acquis de l'élève, moi, Vorash Reborn, remets ce diplôme temporaire des asticots à Ranma DeVils, avec la mention « effort exceptionnel ». C'était parfois un peu évasif, mais vous m'avez impressionné. Yes! Ça veut dire que je peux postuler au ministère? En effet, et la session de septembre vous sera allégée et vous serez bien avantagé, en espérant que vous puissiez décrocher un poste. Cela devrait vous faciliter nettement la tâche. Et donc, concernant mon poste à Jobar... Vous inquiétez pas, j'en parlerai à mon oncle. Il est question qu'il devienne directeur du département de l'injustice. L'école va vous accueillir à bras ouverts. C'est le bon choix, monsieur DeVils. De toute façon, moi j'y remettrai plus les pieds, alors vous pouvez bien y enseigner, ça m'est égal.